L'administration de Trump a perpétré le 7 avril les offensives de missiles d'envergure contre la base d'aviation de l'armée gouvernementale syrienne sous prétexte d'avoir utilisé les armes chimiques et tué les civils. Dans sa communication publiée le 8, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a déclaré que cet évident acte d'agression contre un État souverain est intolérable et d'ajouter. À travers les dernières offensives militaires américaines contre la Syrie, le monde a vu correctement qui est le perturbateur et le destructeur de la paix. Tous les gouvernements américains ont jusqu'à présent recouru à l'arbitraire envers seulement les pays non nucléaires et l'administration de Trump ne fait pas exception. Certains prétendent que la dernière mesure militaire américaine est un soi-disant avertissement à l'égard de notre pays, mais cela ne n'étonne point. La dernière affaire syrienne nous donne une leçon de sang selon laquelle l'illusion sur l'impérialisme est strictement interdite et il faut sa propre force pour se défendre contre l'agression impérialiste. Nos puissants potentiels militaires autour des armements nucléaires sont l'arme de la justice permettant de repousser les diktats, despotismes et agressions effrontées des États-Unis et de défendre la souveraineté du pays et le droit à l'existence de la nation. L'actuelle réalité montre qu'il faut opposer la force à la force et que nous avons 100 fois raison d'avoir choisi le renforcement des armements nucléaires. Face aux démarches militaires téméraires des États-Unis, nous développerons toujours notre capacité d'autodéfense et nous saurons nous défendre par nos propres forces.